C'était Claude, qui le suivait en silence depuis quelques instants. Que fais-tu là, toi? Dit le directeur. Pourquoi n'es-tu pas à ta place? Car un homme n'est plus un homme, là. C'est un chien. On le tutoie. Claude Gueux répondit respectueusement. C'est que j'ai à vous parler, monsieur le directeur. De quoi? D'Albin. Encore? Dit le directeur. Toujours, dit Claude. Ah, ça! Reprit le directeur, continuant de marcher. Tu n'as donc pas eu assez de 24 heures de cachot? Claude répondit, en continuant de le suivre. Monsieur le directeur, rendez-moi mon camarade. Impossible! Monsieur le directeur, dit Claude avec une voix qui eût attendri le démon, je vous en supplie, remettez Albin avec moi. Vous verrez comme je travaillerai bien. Vous qui êtes libre, cela vous est égal. Vous ne savez pas ce qu'est un ami, mais moi, je n'ai que les quatre murs de ma prison. Vous pouvez aller et venir, vous. Moi, je n'ai qu'Albin. Rendez-le-moi. Albin me nourrissait, vous le savez bien. Cela ne vous coûterait que la peine de dire oui. Qu'est-ce que cela vous fait, qu'il y ait dans la même salle un homme qui s'appelle Claude Gueux et un autre qui s'appelle Albin? Car ce n'est pas plus compliqué que cela. Monsieur le directeur, mon bon monsieur D, je vous supplie vraiment, au nom du ciel. Claude n'en avait peut-être jamais tant dit à la fois un geôlier. Après cet effort, épuisé, il attendit. Le directeur répliqua avec un geste d'impatience. Impossible! C'est dit. Voyons, ne m'en reparle plus. Tu m'ennuies. Et, comme il était pressé, il doubla le pas. Claude aussi. En parlant ainsi, ils étaient arrivés tous deux près de la porte de sortie. Les 80 voleurs regardaient et écoutaient, haletant. Claude toucha doucement le bras du directeur. « Mais au moins, que je sache pourquoi je suis condamné à mort. Dites-moi pourquoi vous l'avez séparé de moi. » « Je te l'ai déjà dit, » répondit le directeur. « Parce que... » Et, tournant le dos à Claude, il avança la main vers le loquet de la porte de sortie.